Troisième partie. Edwige, femme de Jaglon, qui en devenant chrétien prit le nom de Ladislas II, parut avoir oublié ceux qui avaient rempli sa vie de jeune fille et formé les espérances de toute sa vie. Entièrement livrée aux soins du gouvernement, elle fut pour la Pologne une de ces souveraines dont le ciel trop avare ne fait que bien rarement don à un royaume. Aussi bonne que belle et gracieuse, elle avait cette supériorité qui fait aimer l'être supérieur sans l'envier. Les Polonais l'adoraient. Ladislas, plus fait que tout autre pour l'apprécier, admirait chaque jour cette femme qui lui révélait à chaque action de sa vie une vertu, une grâce et une qualité. La Pologne offrait le spectacle d'un continuel combat dont les résultats étaient de couvrir de cadavres les champs non cultivés des plus belles provinces du royaume. Edwige, peu de temps après son mariage, fut avec le roi dans la Grande Pologne, où le foyer des troubles était surtout alimenté par les prêtres et les nobles qui se déchiraient entre eux. La popularité dont jouissait Edwige, sa bonté, sa douceur, sa beauté merveilleuse qui parlait à tous les yeux, même les plus sauvages, tout contribua à calmer les dissensions qui déchiraient cette partie du royaume. Et comment la voix de cet ange aurait-elle été méconnue lorsqu'il sortait de sa bouche des paroles telles que celles qu'elle dit à Gnissen ? La cour venait d'y arriver. On y avait imposé les paysans des environs à une somme d'argent très forte pour l'entretien particulier de la reine. Ils n'avaient que leurs bestiaux, on les leur prit, et les malheureux furent réduits à la plus entière misère. Ils avaient entendu louer leur belle jeune reine, ils furent devant son palais à Gnissen, et l'un d'eux osa élever une voix suppliante pour demander pitié, car alors le mot justice n'était prononcé qu'en tremblant par le pauvre. Edwige, en entendant ses cris, en voyant ses larmes, fut ému de pitié et ordonna que les bestiaux fussent rendus sur le champ aux paysans, ajoutant une somme d'argent de son épargne pour les payer de leur temps perdu et de leur peine. Edwige fit en même temps lever l'interdit que le chapitre de Gnissen avait déjà lancé pour châtier les malheureux de l'hardiesse qu'ils avaient eue de venir se plaindre à la reine. Entourée des femmes, des enfants, de ces infortunés qui la bénissaient, elle souriait doucement à ces bénédictions partant du cœur. Remarquant sur plusieurs visages l'altération produite par la fatigue et le malheur qui avait pesé sur eux pendant plusieurs jours, elle s'écria « Ah, sans doute, les bestiaux leur sont rendus, mais qui leur payera leurs larmes ?» La médiation d'une créature si parfaitement bonne ne fut jamais vainement employée. Grâce à elle, la Pologne fut bientôt entièrement pacifiée. Ce fut alors que le roi, fier de son bonheur, vint du titre de mari d'Edwige, plus que de celui du roi de Pologne, et voulant montrer cette femme charmante à ses nouveaux sujets, la conduisit en Lituanie en 1387. Maintenant, je n'ai plus à parler d'Edwige comme je l'ai fait dans la première partie de sa vie. Je ne m'arrêterai qu'à une particularité remarquable, qui d'ailleurs peut l'être également comme fait historique. La Lituanie accueillit avec enthousiasme cette jeune souveraine de 16 ans qui venait à elle pour lui donner la paix et lui apporter la lumière de la vraie foi. Les idoles furent renversées et la croix s'éleva sur leurs débris. Des églises, des couvents, de riches monastères furent dotés par ces nouveaux chrétiens qui voulaient prouver leur zèle pour la religion en même temps que leur amour pour leur jeune reine. Les édifices sacrés s'élevèrent de toutes parts et bientôt la Lituanie devint une vraie sœur de la Pologne. Ladislas y laissa son frère Skirgiello qui, malheureusement, rendit le pays aussi malheureux qu'Edwige l'avait rendu heureux par une civilisation douce et telle que devait la donner la lumière de l'Évangile. Tandis qu'Edwige était sainement occupé à répandre la vraie foi, le ciel l'éprouvait en lui envoyant un de ces malheurs qui frappent sans espoir de consolation. Sa mère, la pieuse reine de Hongrie, fut assassinée dans le château où les seigneurs révoltés de la Hongrie la tenaient prisonnière avec sa fille Marie. Sigismond, le fiancé de Marie, arriva trop tard pour prévenir le crime. Edwige avait déjà une croix à porter, elle s'inclina devant ce nouveau calice. Dieu la voulait tout à lui. Souvent, elle pleurait doucement en priant Dieu de lui accorder un enfant. « Je serais heureuse, pensait-elle, si j'étais mère. Il me manque à soigner un enfant d'amour. » Pauvre abusée. Ce besoin du cœur qu'elle sentait comme une souffrance inquiète, c'était cette autre âme dont elle s'était séparée et qu'elle désirait si vivement. Cette âme créée avec la sienne et qui, avec elle, avait aimé. Elle ne donnait plus de larmes à cet amour, mais la source n'en était pas tarie, et ses larmes retombaient sur son cœur qu'elle inondait d'une mer d'amertume.